espagnol. Chic mon plastique et chic. Chiche mon pastiche et chiche. Chacun son échec. Check. Chiche mon pastiche et chiche. Chiche mon pastiche et chiche. Chic mon plastique et chic. Chiche mon pastiche. Chiche mon pastiche et chiche. Chic mon plastique et chic. Chiche mon pastiche. Chiche mon pastiche et chiche. Chic mon plastique et choc. Électrochoc, je me choque. Maybe I'm maybe a baby or maybe not. Plastique et chic. Chiche mon pastiche et chiche. Chaud est mon chapeau, chameau. Chiche mon pastiche et chiche. Chiche mon pastiche et chiche. Chic mon plastique et chic. Chiche mon pastiche. Chiche mon pastiche et chiche. Chic mon plastique et chic. Chiche mon pastiche. We'll be right back.